je m'excuse. J'arrive, je commence à pleurer, mais je suis ému. Écoutez, pourquoi le monde entier, chaque être humain réussit à le faire et moi je peux pas? Que ce soit les Canadiens, les Sénégalais, les Malgaches, les Australiens, tous, les Français, les Suisses, tout, moi je peux pas, je peux, et je veux, et j'y arriverai. Il n'y a pas de raison que les autres le fassent, et moi je le ferai pas, je veux payer des impôts. Lorsque je suis arrivé à Paris, de mon petit hôtel, en face, j'ai vu un homme qui pleurait. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, figurez-vous que je suis un ébéniste et j'ai beaucoup de talent. C'est pour ça que vous pleurez. Rassurez-vous, ça vous passera. Il me dit, non, mais figurez-vous que je faisais de très très beaux meubles que j'expédiais dans le monde entier. Un jour, on a fait un article dans le journal sur moi, comme quoi je représentais l'art européen. Alors immédiatement, les inspecteurs des contributions sont venus, ils m'ont tombé sur le paletot. Moi qui suis artiste, ébéniste, je vis éthéré, je ne sais pas tellement bien compter. Ils se sont régalés. Ils étaient quatre contre moi. Un artiste qui a du talent contre quatre inspecteurs des contributions. Ils ont gagné au premier round. Ils m'ont fait payer des taxes, des surtaxes, comme quand j'avais pas déclaré tant, à l'année tant et tout. Ils m'ont fait vendre tous mes meubles. C'est triste, un ébéniste qui est obligé de vendre ses meubles personnels pour payer ses impôts. Mes varlopes, mes rabots, j'ai tout vendu. Il me reste plus que la sueur pour pleurer. Oh, naïf que vous êtes. À notre époque, faut plus faire du grand art. Il faut faire du zizi-gougou. Qu'est-ce que c'est le zizi-gougou? La facilité pour gagner de l'argent. Il vous reste pas quelques petites planchettes de bois, là, dans votre sciure? Si. Eh bien, écoutez, donc, monsieur l'ébéniste, vous allez faire des petits croisillons, comme ça, avec vos petites planchettes, 4 cm de long, 1 mm d'épaisseur, pas plus. Vous allez mettre un petit caoutchouc. Votre femme va peindre un petit pantin, vert, rouge, jaune. On va tirer dessus, zizi gougou, zizi gougou. Je vends ça sur les boulevards, 1 franc. Ça nous revient à 0,05 francs. On fait 95% de bénéfices nets. Je paye pas un rond d'impôt, dis-donc. Pas de taxes, rien, même pas de TVA. Je suis écœuré. Et pourtant, je me dis, il faut payer des impôts. Alors, ne pensez pas que je suis... Il faut bien payer les gendarmes lorsqu'ils viennent en hélicoptère sauver les alpinistes perdus dans la neige. Faut bien payer les pompiers lorsqu'ils viennent sauver les gens à 2 heures du matin avec de l'oxygène. Et moi, je ne les payerai pas. Je veux payer des impôts. J'ai été trouver mon percepteur, et il m'a dit, vous vivez à l'hôtel, on va voir ça, je vais en parler à l'inspecteur, le plus tôt possible. Oui, oui, s'il vous plaît. Il m'a jamais répondu. Je passais à côté de la perception, j'ai été gêné. Je baissais la tête, je suis le seul être humain à pas payer d'impôts, je veux en payer. Je vendais toujours mes zizi-gougous, zizi-gougous, les petits-enfants sur les trottoirs. Maman, je veux 2 zizi-gougous. Vous battez pas, vous aurez des zizi-gougous, zizi-gougous. J'ai été rue de Rivoli. Je me suis dit, je vais aller parler au ministre des Finances. Ça marche très bien pour lui. Ne vous faites pas de soucis, ça va très bien. Il y a des marches en marbre, des rambardes en platine serties de diamants, des tapis en laine rouge épais comme mes coudes. Il y avait les huissiers qui étaient là avec leur chaîne de montre autour du cou. Chef huissier, je m'excuse de vous appeler. C'est Lotzig là qui arrive. Ça fait 3 fois qu'il vient cette semaine. Oui, celui qui veut payer les impôts. Il veut parler au ministre pour ça. Dites-donc, si on vous voit encore arriver ici, on vous fout chez les dingues, hein. On vous amène à l'asile Sainte-Marie avec la camisole de force. Alors je me suis expatrié. J'ai été en Suisse. Je vends toujours des zizi gougou. Vous m'avez vu à Genève, au pont du Mont-Blanc ou à Lausanne, là. Zizi gougou, zizi gougou. Je les vends toujours un franc. La Confédération helvétique m'est tombée sur le paletot. Elle dit, qu'est-ce que ce français, là? Qui vient manger la brioche des Suisses? Ils me font payer des taxes cantonales. Des taxes sur la fédération. Je sais même pas ce que ça veut dire. Même des taxes pour la défense nationale. Je dis, je suis étranger, moi. Je dis, au contraire, c'est les étrangers qui devraient payer ça, cette taxe. Parce que c'est pas les Suisses qui vont attaquer la Suisse. Bref, je paye 90% de ce que je gagne. Plus de 90%. 90%. Mais je réussis à faire des économies. Et savez-vous ce que j'en fais de mes économies? Chut. Je vais les planquer en France.